à deux pas d'ici, j'habite, peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie, parfois je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À deux pas d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu importe qui m'appelle. Je ne sais plus le parfum des beaux jours. Je le sens plus. Comment fait ton amour? Si j'avais su, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié, les mots doux de velours. Je ne crie plus. Et le sens de l'humour, je l'ai perdu. Je n'en suis pas sûre.